Une dernière information avant de passer la parole aux organisations syndicales et Chapelle d'Arblay aussi, puis on fait une intervention. Le gouvernement est en train de jouer sur l'intimidation, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il faut aussi se rappeler que depuis le début de la semaine, les raffineries sont en grève reconductible. La CGT invite l'ensemble des citoyens à vider les pompes à essence. C'est comme ça qu'on va y arriver, les camarades. Donc je vous invite tous les jours à remplir le carburant dans vos véhicules. Ils veulent la guerre.